Eyes on Juice. Kovu. Allez leur dire. Yeah. Hein. Les hommes paraissent troubles. Et je ferai pas comme eux juste pour paraître cool. Je me suis planté, je suis prêt pour la récolte. Toi tu veux me parler de potes, toi tu veux parler de dot. Allez, prenez tous la porte. Faut pas écouter les West West, faut pas changer pour l'espèce. Faut faire évoluer l'espèce, j'suis comme un manque d'espace. Un petit trou et j'passe, Bélec demain j'canne. Faut laver le linge sale, mais jamais en public ils verront que le linge blanc. J'suis mieux tout seul depuis que j'sais que même le singe ment. Jugé à droite, jugé en bas, jugé à gauche. Le vrai jugement viendra de là-haut. Allez leur dire ou taisez-vous si vos mots peuvent les anéantir. Allez leur dire, allez leur dire. Allez leur dire. Encore et toujours des mots. Tu sais ce qui me fout le démon. T'es venu t'abrouiller tout le réseau. Tu cries plus fort, t'as pas plus raison. Encore et toujours des mots. Tu sais ce qui me fout le démon. T'es venu t'abrouiller tout le réseau. Tu cries plus fort, t'as pas plus raison. Et ça résonne dans ma tête. Des promesses qu'on pouvait même pas tenir. Humour noir qui sonne en satire. Pareil que les opposés s'attirent. Y'a pas que les bateaux qui chavirent, mamie. Entasser les PC tasses. Ils manquent pas d'air, ne font pas d'asthme. Aucun otage, seul quand je tourne mes pages. T'es dans ma ligne de mire, mais j'ai pas de munitions. Ratatatata, je vais au bout de la mission. Et je la tourne en dérision. Accro à toi, l'héroïne de mon émission. Yeah. Besoin de lumière, il fait pas beau. Paradis, enfer quand je serai là-haut. Ça résonne comme quand je suis sur écoute. Rien ne pourra m'enlever tous mes doutes. Jugé à droite, jugé en bas, jugé à gauche. Le vrai jugement viendra de là-haut. Allez leur dire ou taisez-vous si vos mots peuvent les anéantir. Allez leur dire, allez leur dire. Allez leur dire. Encore et toujours des mots. Tu sais ce qui me fout le démon. T'es venu t'abrouiller tout le réseau. Tu cries plus fort, t'as pas plus raison. Encore et toujours des mots. C'est ce qui me fout le démon. T'es venu t'abrouiller tout le réseau. Tu cries plus fort, t'as pas plus raison. Encore et toujours des mots. Tu sais ce qui me fout le démon. T'es venu t'abrouiller tout le réseau. Tu cries plus fort, t'as pas plus raison. Encore et toujours.